J'étais le fils du vent. Elle, une fille bien de son temps. Moi, j'avais des rêves fous. Elle ne rêvait pas du tout. Moi, je me contentais de peu. Même d'une cigarette pour deux. Mais quand ça nous arrivait, elle, je crois qu'elle m'en voulait. Que je l'aimais, mais pas comme elle le voulait. Je les regardais partir sans pouvoir la retenir. Moi, je parle bien souvent d'elle. Avec les fleurs des champs et quelquefois dans le soir, elle, il me semble la voir. D'avenir et qui peut tout lui offrir. Elle est heureuse à présent. Enfin, je l'espère vraiment, mais je peux vous l'avouer. Elle, je ne peux pas l'oublier.